18. La langouste. Depuis 8 jours, on ne célèbre que les chasseurs, c'est injuste. Me sera-t-il permis de rappeler ici l'existence parallèle des pêcheurs, caste plus modeste, quoique puissante dans Paris, taciturne comme le poisson qu'elle pêche, n'affectant pas d'allure guerrière, mais qui, sous ses dehors volontairement effacés, cache, elle aussi, de vrais héros aux âmes hautaines et passionnées. Car toute passion indique grandeur, et l'humanité, heureusement, est ainsi faite que la poursuite, à travers les ondes frissonnantes d'une carpe et d'un barbillon, met en mouvement des sensations sublimes à l'égard de celles qu'éprouve par exemple un général au matin de la bataille, ou même le chasseur lorsque, épaulant, prêt à tirer, il essaie, seconde suprême, de raffermir son courage, un instant troublé, devant le départ impressionnant et brusque d'une compagnie de perdreaux. Pour mon compte, je n'ai droit qu'au titre, considérable déjà, de pêcheur honoraire. Disciple indigne, trop tard initié à l'art sacré, je n'en connais guère que les plaisirs extérieurs, les joies, si j'ose m'exprimer ainsi, marginales. C'est-à-dire le plaisir de descendre, dans la paix et la fraîcheur, une rivière dont le cristal reflète l'azur uni du ciel et le frisson verdoyant des berges, aux heures tranquilles de l'été, aussi justement recherchées des pêcheurs que des paysagistes, la joie, tout seul sous la soleil, pendant que les camarades amorcent, d'écouter, répercuter sur l'eau, les vagues appels des mariniers, le bruit du battoir des laveuses et le cri bref de ce martin rouge et bleu qui, par-dessus les joncs du petit bras, file en flèche d'une rive à l'autre. Mais je fréquente les pêcheurs qui pêchent, ceci me permet de parler. Deux surtout, Nestor, qu'il ne faut pas confondre avec le pénétrant et délicat moraliste dont Gil Blas publie les chroniques, mon ami Nestor et Levoir. Le premier, pêcheur dans le sang, le second, moins naturellement convaincu, mais faisant son possible pour l'être. J'eus l'honneur de me lire avec eux dans des circonstances assez pittoresques. Il y a de cela quelques années, flânant à travers bois, la brise m'apporta comme un son de cor au lointain. Je prêtai l'oreille, mais le cor se tut. Quelques instants après, je l'entendis encore. Et je me mis à marcher dans la direction de ce cor mystérieux qui sonnait ainsi par intervalles. Était-ce l'assemblée des fées, ou bien allais-je voir passer, chatoyante entre les bouleaux, sur le fond d'or des mousses et des feuillages rouillés par l'automne, quelques rapides chevauchées de châtelaines chasseresses? Grande fut ma surprise quand, arrivé sur les bords d'un étang, près d'un moulin à l'abandon dont la roue sommeillait envahie par les herbes, j'aperçus deux hommes occupés à la moins prévue des besognes. L'un avait la ligne et pêchait. L'autre, portant un corps, le poing fourré dans le pavillon, les lèvres prêtes à souffler, attentif, le regardait faire. Et chaque fois que l'homme à la ligne enlevait un poisson, l'homme au corps sonnait une triomphante fanfare. La pêche à court, pourquoi pas? C'était Nestor qui, donnant une leçon à le voir alors néophyte, lui avait permis un peu de musique en manière de distraction. Car Nestor n'est pas de ces pêcheurs qui, lorsqu'ils pêchent, veulent qu'autour d'eux règne le silence de la tombe. Nestor sait que le poisson, indifférent au bruit de l'air, ne s'effraie que de ceux qui se propagent dans l'eau. On peut donc, avec lui, tout en amorçant, causer, chanter, rire et jouer du corps au besoin. Pourvu que vos pieds ne frottent pas trop fort sur le fond en planche du bateau, Nestor se déclare satisfait. Ceci par raison, non par faiblesse. Nestor, au contraire, apporte dans les questions de pêche une énergie implacable et froide qui va parfois jusqu'à la cruauté. Je ne l'en blâmerai point, comme la politique, la pêche a sa raison d'état. Un jour, Nestor et Levoix, devenus son inséparable, roulaient en wagon vers un village peu connu, mais en revanche traversé par une rivière ultra-poissonneuse qu'ils s'étaient promis de dépeupler. Rien dans leur costume de les dénoncer comme pêcheurs. Nestor aime peu qu'on le remarque. Les bouts de roseaux et les sions, enveloppés d'un morceau de lustrine verte, se dissimulaient modestement. Les lignes en crin, celles en racines, enroulées sur les dévidoirs, avec leurs hameçons de rechange et leurs flotteurs multicolores, l'indispensable plomb de sonde, la baguette fourchue qui sert à décrocher le poisson ferré trop avant, étaient également cachés dans une trousse assez semblable à une cartouchière que Nestor portait en sautoir. Ils allaient ainsi sans parler. Nestor, calme à son ordinaire, le voir légèrement inquiet. Et voilà pourquoi le voir était inquiet. Il s'agissait précisément d'expérimenter ce jour-là un appât dont le secret, prétendait Nestor, venait d'être par lui retrouvé dans un antique manuscrit de la Bibliothèque nationale. Avec cet appât, d'une portée et d'une puissance incomparables, chevesnes, perches et gardons, sollicités à plusieurs kilomètres de distance jusqu'au fond des excavations et des falaises, à l'abri desquelles ils ont ordinairement coutume de fuir la lumière du jour, devaient remonter en partant de l'embouchure et descendre en partant de la source par bandes de plus en plus voraces et serrées jusqu'au point précis de la rivière où les attendait l'hameçon. Et c'est pour la confection du sudit appât, maintenant fourré sous la banquette, que Nestor et Levoix, patients comme des alchimistes, avaient passé toute leur nuit à triturer des drogues bizarres et malodorantes. Au départ, Levoix s'était bien hasardé à dire « Si, rapport à l'appât, nous montions avec les fumeurs. » Mais Nestor, dédaigneux, « C'est ça, pour que mes verres de vase, mes asticots et mon blé cuit empoisonnent à la nicotine. » Et Levoix, comme toujours, avait cédé. Or, depuis quelques minutes, dans le compartiment secoué par la marche du train et surchauffé par le soleil, se répandait une odeur indéfinissable. Les dames, sortant leurs mouchoirs, baissaient la glace des portières. Les hommes s'entre-regardaient avec des airs méchants et réciproquement soupçonneux. Mais les vasistas avaient beau s'ouvrir, engouffrant à torrents avec le courant d'air du train les effluves des forêts et des plaines successivement traversées, l'odeur n'en persistait pas moins, aggravée plutôt et de plus en plus cruelle aux narines. Levoix songeait. « Allons, bon, voilà que notre appât travaille. » Nestor clignait de l'œil et semblait lui répondre « Laissons faire, l'appât n'en sera que meilleur. » Cependant, l'odeur était devenue physiquement intolérable. On parlait de faire des fouilles. Comment sauver l'appât précieux ? Nestor paya d'audace. « Je ne comprends pas, s'écria-t-il, que par une chaleur pareille, des gens trimballent en chemin de fer des langoustes à ce point avancé. » En même temps, cynique, il désignait du regard à l'indignation de tous une pauvre petite vieille portant sur ses genoux un panier d'où sortaient, en effet, deux longues antennes. Interpellée ainsi, la petite vieille ouvrit son panier. « Mais elle est fraîche, ma langouste. Je l'ai achetée vivante au hall il n'y a pas 3 heures. Elle marchait, sa queue battait. » « Parbleu, le tour est connu, ma bonne dame. On vous aura changé la langouste en la faisant cuire. » La langouste, évidemment fraîche, était superbe à voir sous sa cuirasse écarlate, et la vieille, enfantinement émue, avec son bonnet à coque rose et ses légers frisons d'argent, soupirait. « Mon Dieu, quel malheur! Et moi qui l'avais payé 6 francs, oui, 6 francs, pour faire une surprise !» Ceci eut probablement attendri un tigre, mais Nestor ne s'attendrit pas. Nestor, tranquillement, prit la langouste, la flaira, puis, avec une grimace de dégoût, la fit circuler de main en main dans l'assemblée. Suggestionné par sa volonté, hypnotisé par son regard, tous répétèrent la grimace et la vieille dame elle-même ne put s'empêcher de dire « C'est pourtant vrai, je n'y comprends rien, elle a comme une légère odeur. »« Légère, je vous crois. Flanquez-moi donc votre langouste par la portière avant que tout le train ne soit asphyxié. » Et la vieille dame, soupirant toujours « Quel malheur !» s'apprêtait à flanquer sa langouste par la portière lorsque Levoix, pris d'un remords tardif, la retint. « Attendez, madame, tout bien réfléchi, c'est peut-être de notre boîte. » Nestor roulait des yeux terribles. « Voyons, Nestor, nous pouvons avouer, puisque le train arrive en gare. Voici ton appât, c'est l'important. » Nestor pardonna, mais non sans protester. « Alors, pour une misérable langouste, s'il nous avait fallu aller une station ou deux plus loin, notre journée se trouvait perdue. » et, haussant les épaules, il ajouta « Écoute, le voir, un conseil. Dès aujourd'hui, renonce à taquiner la blette. Avec tes sentimentalités imbéciles, tu n'auras jamais l'âme d'un pêcheur. »